L'enfant rêve dans les étoiles de Marie-Odile Ackermann. Lors d'une belle soirée, un enfant serre son Pierrot dans ses bras et fredonne. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. La lune resplendit au milieu du firmament comme une énorme galette de miel et scintille au milieu des étoiles. Prête-moi ta plume. L'enfant serre toujours Pierrot et pense très fort à son papa qu'il n'a pas revu depuis longtemps, très longtemps. Il prend un crayon et dessine un bonhomme, un rond pour la tête et un autre rond pour le ventre, des traits pour marcher et des traits pour embrasser. L'enfant, avec son ami Pierrot et le dessin de papa, se mettent dans le petit lit et il pense très fort à son papa qu'il n'a pas revu depuis si longtemps, très longtemps. Trop longtemps. Et il s'endort tout doucement. Et là, dans son rêve, apparaît une comète qui lui dit « Viens avec moi, je t'emmène chercher ton papa. » Ils partent pour un long voyage dans la constellation pour explorer la galaxie. L'enfant rêve et s'envole vers la voûte étoilée sur le dos de la comète. Ils approchent le soleil qui est beaucoup trop chaud. L'enfant sur le dos de la comète atterrit sur une planète. Il lui demande « Qui es-tu, belle planète à la couleur d'or ?»« Je m'appelle Mercure et je suis la planète la plus proche du Soleil. Et toi, qui es-tu ?» demande la planète Mercure. « Je voudrais revoir mon papa, le connais-tu ? » ?»« J'ai des températures trop chaudes et trop froides pour qu'il puisse vivre sur ma planète. Mais va voir mon ami, la planète Vénus. » L'enfant poursuit son voyage et rencontre la planète Vénus. Il lui demande « Qui es-tu, belle planète à la couleur de nacre ?»« Je m'appelle Vénus, mais on m'appelle l'étoile du berger. »« Et toi, qui es-tu ?» répond Vénus. « Je voudrais revoir mon papa. »« Je suis la planète la plus chaude. Ton papa ne pourrait pas y vivre. » Mais tu devrais aller voir la planète Mars. Et sur le dos de la comète, l'enfant poursuit son voyage dans l'univers et ils arrivent sur la planète. Qui es-tu, belle planète ? Demande l'enfant. Je m'appelle Mars, la planète rouge. Et toi, qui es-tu ? L'enfant répond. Connais-tu mon papa ? Je voudrais revoir mon papa. La planète Mars dit. Je ne connais pas ton papa. Mais continue ton chemin vers la planète Jupiter qui pourra peut-être t'aider. Et l'enfant continue son voyage vers Jupiter, mais la planète est trop brûlante. Puis, ils arrivent vers la planète Saturne de couleur jaune pastel, très grande, avec un halo d'anneaux, une planète d'ouragans, de cyclones et d'orages. Mais ils ne purent pas s'en approcher. Alors, l'enfant s'éloigne dans l'univers, toujours sur le dos de la comète, et aperçoit de loin la planète Pluton, trop petite dans l'espace, et aussi Uranus, trop éloigné dans le cosmos. Enfin, l'enfant aperçoit dans la galaxie la Lune et lui dit « Bonsoir, Madame la Lune, je voudrais revoir mon papa. » Madame la Lune lui répond « Je vais t'aider à le retrouver. Descends sur la planète de Terre, tu reverras ton papa. Il est là-bas sur la planète où existe de l'air, de l'eau, de la lumière et de la vie. » Au petit matin, l'enfant se réveille après son rêve et demande à sa maman. « Où est papa ?» La maman lui répond. « Tu le verras sous peu, il va être bientôt libéré. » Marie-Odile Ackermann.